Jérémie chapitre 18. Cette parole fut adressée de par l'Éternel à Jérémie, disant, Lève-toi, et descends dans la maison d'un potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis donc dans la maison d'un potier, et voici, il faisait son ouvrage, assis sur sa selle. Et le vase qu'il faisait de l'argile qui était en sa main, fut gâté, et il en fit encore un autre vase, comme il lui sembla bon de le faire. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant, « Maison d'Israël, ne vous pourrais-je pas faire comme a fait ce potier, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main d'un potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. En un instant je parlerai contre une nation et contre un royaume, pour arracher, pour démolir et pour détruire. Mais si cette nation contre laquelle j'aurai parlé, se détourne du mal qu'elle aura fait, je me repentirai aussi du mal, que j'avais pensé de lui faire. Et si en un instant je parle d'une nation et d'un royaume, pour l'édifier et pour le planter, et que cette nation fasse ce qui me déplaît, en sorte qu'elle n'écoute point ma voix, je me repentirai aussi du bien que j'avais dit que je lui ferais. Or donc, parle maintenant aux hommes de Juda, et aux habitants de Jérusalem, en disant, ainsi a dit l'Éternel, voici, je projette du mal contre vous, et je forme un dessein contre vous, abandonnez donc maintenant chacun sa mauvaise voie, et amendez votre voie et vos actions. Et ils répondirent, il n'y a plus d'espérance, c'est pourquoi nous suivrons nos pensées, et chacun de nous fera selon la dureté de son cœur mauvais. C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel, demandez maintenant aux nations, qui a entendu de telles choses? La Vierge d'Israël a fait une chose très énorme. N'abandonnera-t-on pas la neige du Liban pour la roche du champ, et ne laissera-t-on pas les eaux qui ne sont point naturelles, et qui sont froides, encore qu'elles coulent? Mais mon peuple m'a oublié, et il a fait des parfums à ce qui n'est que vanité, et qui les a fait broncher dans leur voie, pour les faire retirer des sentiers anciens, afin de marcher dans les sentiers d'un chemin qui n'est point battu. Pour faire venir sur leur pays, une désolation et un opprobre perpétuel, tellement que quiconque passera par là, en sera étonné, et branlera la tête. Je les disperserai devant l'ennemi, comme par le vent d'Orient, je leur tournerai le dos, et non pas la face, au jour de leur calamité. Et ils ont dit, venez, et faisons quelques machinations contre Jérémie, car la loi ne se perdra pas chez le sacrificateur, ni le conseil chez le sage, ni la parole chez le prophète, venez, et frappons-le de la langue, et ne soyons point attentifs à aucun de ses discours. Éternel, entends-moi, et écoute la voix de ceux qui contestent avec moi. Le mal sera-t-il rendu pour le bien, car ils ont creusé une fosse pour mon âme. Souviens-toi que je me suis présenté devant toi, afin de parler pour leur bien, et afin de détourner de ta grande colère. C'est pourquoi livre leurs enfants à la famine, et fais couler leur sang à coups d'épée, que leurs femmes soient privées d'enfants, et veuves, et que leurs maris soient mis à mort, et leurs jeunes gens tués avec l'épée dans la bataille. Que le cri soit oui de leur maison, quand tu auras fait venir subitement des troupes contre eux, parce qu'ils ont creusé une fosse pour me prendre, et qu'ils ont caché des lacs à mes pieds. Or tu sais, ô Éternel, que tout leur conseil est contre moi, pour me mettre à mort, ne sois point apaisé à l'égard de leur iniquité, et n'efface point leur péché de devant ta face, mais qu'on les fasse tomber en ta présence, agis contre eux au temps de ta colère. Jérémie chapitre 18. Cette parole fut adressée de par l'Éternel à Jérémie, disant, Lève-toi, et descends dans la maison d'un potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis donc dans la maison d'un potier, et voici, il faisait son ouvrage, assis sur sa selle. Et le vase qu'il faisait de l'argile qui était en sa main, fut gâté, et il en fit encore un autre vase, comme il lui sembla bon de le faire. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant, « Maison d'Israël, ne vous pourrais-je pas faire comme a fait ce potier, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main d'un potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. En un instant je parlerai contre une nation et contre un royaume, pour arracher, pour démolir et pour détruire. Mais si cette nation contre laquelle j'aurai parlé, se détourne du mal qu'elle aura fait, je me repentirai aussi du mal, que j'avais pensé de lui faire. Et si en un instant je parle d'une nation et d'un royaume, pour l'édifier et pour le planter,